visages. On les a vus dans le van raconter le malaise et se lâcher des vannes. Ils étaient bien à l'aise qu'on les aurait dit en tournée. Mais c'était fini, ce temps-là écoulé, tout écoulé, les damnés de la musique de la haine. La seule tournée qui leur reste, c'est celle qu'on leur sert sur un plateau. C'est la mer à boire qu'ils ont mérité, ils étaient lessivés. Après le coup manqué de la machine à lessiver, fallait les voir, c'était un numéro d'handicapé de la vie bloqué à mi-chemin de l'escalier. Pétrifiés par leur angoisse contre laquelle ils luttent, métaphore de l'acceptation. Ils en avaient dans la cervelle, ils en avaient dans les biceps. De l'huile de coude à bout de gras, au coude à goutte, ils ont tenté, mais n'ont récolté que l'échec du labeur. Ils ont voulu le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Ils ont retourné leur veste, fait volte-face et demi-tour, c'est pas gagné la crémaillère. Ils ont tenté le virage mais sont restés bloqués. Handicapés par le malaise, telle une improvisation de saumon, son court-circuit, que c'est pas leur place. Mais qu'ils sont forts, ces gaillards, de nous surprendre encore. On s'y attendait pas. Ils sont de retour, ça déménage. Un pro sur une traque d'imposteur, ça fout le crack, et puis tu craques le son, et ça fait crack-boom, c'est le bingo de Callisto, tout chaud dans son impro sur l'impôt de la haine. Le calice et l'impôt de la haine. Manque plus qu'un petit riff, un bon doux solo de la guitare mystique du Jean Duel. Encore un ménestrel de la haine de jadis. Et le roulement de caisse claire, coup de tonnerre sur les timbales de l'enfer du bon vieux Cérésin, les raisons de la colère. Au sang du coq, fier coq, les poursuites des terres de la Wallonie vraie, qui se dressent belliqués face aux lions des Flandres rugissants. Réconcilié tel l'étoile de nos giles, c'est mon projet, ma vision. Tire de haine et de Flandre occidentale réunie. Conte de haine, conte de Flandre, tel l'air jadis, la grandeur de nos ducs de Bourgogne. Scène déménage.